la porte derrière, vous jouez coup caché, est avec moi. C'est vieux, bonne parole, Dieu. Pour pas te la tête comme il va. Oh, mon nom est tout, mon Dieu. Oh, mon nom est tout, mon Dieu. Mon chéri, ou action idole, vous pouvez faire quelque chose en bavol. Pas derrière mon lido. Oh, moi dis-moi, mais tout est contrôle. Vous dites qui moi peut faire un tour. Ah, moi pour faire une folle. Oh, alors, mon les sous on est plus qu'on est qui pour faire, moi l'esprit l'explose. Nous la vie danserait, les vaut mieux nous séparer à cause de vous. Vous pouvez m'en faire crioter, mon chéri ou action idole, vous pouvez faire quelque chose en bavol, pas des. Qu'on est qui pour faire, mon esprit l'explose. Nous la vie danserait, il vaut mieux nous séparer à cause de vous. Vous pouvez faire mon grand rien à faire. Après-midi, pendant nous cérémonies, quand la cloche l'église bel hasard, tu résonnais dans les airs. Les yeux dans les yeux, camarade, en écoutant parole, mon père, où tu promets-moi mon cœur, qu'ils en mettent où pour gagner les guerres, pour faire moi souffrir. Aux ordures, mon paiement, ma voix en mer. À cause moi du monde à tout faire, on fait mon croire l'amour sincère, quand on prie des mots qui l'issifèrent. Oh, mon don est tout, mon Dieu. Oh, mon don est tout, mon Dieu. Mon chéri ou action idole, on peut faire quelque chose. Pas derrière mon lido. Oh. On dit moi mais tout en contrôle. On dit qui moi peut faire en tout. Ah, moi pour faire une folle. Oh. Alors mon les sous-zigolais, mon éplique qu'on est qui pour faire. Mon esprit l'explose. Nous la vie danserait. Il vaut mieux nous séparer à cause des sous. Pour faire mon vin cruauter. Mon chéri ou action idole. Je vais faire quelque chose en ma boule. Pas on dit moi mais tout en contrôle, on dit qui moi peut faire en tout. Ah, moi pour faire une folle. Alors mon les sous-zigolais, mon éplique qu'on est qui pour faire, mon esprit l'explosait.